Il explore tout l'espace à bord de son Airwing. Tout ça a commencé dans le jeu Starwing. Déjà à l'époque, il avait à battre Andros. Inutile de venir maintenant pour ça, c'est un boss. Dans tout l'espace, il fait régner sa loi. On en parle dans le coup de tête. Ici, ce qui vient juste là. Go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Fox, McCloud! Croyez! Il a bien sûr plus d'un tour dans son sac. D'ailleurs, il y met tous ses trucs en vrac. Il se fait aussi aider par une bande de copains. Un dino, un lapin, un piaf et un saurien. Et qu'est-ce qu'on dit tous comme ça? Sauver le monde, c'est pas si simple que ça. Go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Go, Fox, go, go! Wouhou, Fox McCloud! Sa dernière mission consiste à sauver une planète d'un général qui n'est pas vraiment très net. Pour ça, il fait réunir tous les districts Krazoa et sauver leur gardienne qui est la Belle au Cristal. Entre les deux regards, un amour acquis à la fin, toute l'équipe se moquait, mais ça ne fait rien. Go, go! Go, Fox, go, go!